David Copperfield, chapitre 5, Je suis exilé de la maison paternelle. Nous n'avions pas fait plus d'un demi-mille et mon mouchoir de poche était tout trempé quand le voiturier s'arrêta brusquement. Je levai les yeux pour voir ce qu'il y avait et je vis, à mon grand étonnement, Peggotty sortir de derrière une haie et grimper dans la carriole. Elle me prit dans ses bras et me serra si fort contre son corset que mon pauvre nez en fut presque aplati, ce qui me fit grand mal, mais je n'y pensais seulement pas sur le moment. Ce ne fut qu'après que je m'en aperçus, en le trouvant très sensible. Peggotty ne dit pas un mot. Elle plongea son bras jusqu'au coude dans sa poche, en tira quelques sacs remplis de gâteaux qu'elle fourra dans les miennes, avec une bourse qu'elle mit dans ma main, mais tout cela sans dire un mot. Après m'avoir de nouveau serré dans ses deux bras, elle redescendit de la carriole. J'ai toujours été persuadée, comme je le suis encore, qu'en se sauvant, elle n'emporta pas un seul bouton à sa robe. Moi, je ramassai un. J'avais de quoi choisir et je l'ai longtemps gardé précieusement comme un souvenir. Le voiturier me regarda comme pour me demander si elle n'allait pas revenir. Je secouai la tête et lui dis que je ne le croyais pas. « Alors en marche !» dit-il à son indolente bête qui se mit effectivement en marche. Après avoir pleuré toutes les larmes de mes yeux, je commençai à réfléchir que cela ne servait à rien de pleurer plus longtemps, d'autant plus que ni Roderick Random, ni le capitaine de la marine royale n'avaient jamais, à ma connaissance, pleuré dans leurs situations les plus critiques. Le voiturier, voyant ma résolution, me proposa de faire sécher mon mouchoir sur le dos de son cheval. Je le remerciai et j'y consentis. Mon mouchoir ne faisait pas grande figure en manière de couverture de cheval. Je passai ensuite à l'examen de la bourse. Elle était en cuir épais avec un fermoir et contenait 3 shillings bien luisants que Peggotty avait évidemment poli et repoli avec soin pour ma plus grande satisfaction. Mais ce qu'elle contenait de plus précieux, c'était 2 demi-couronnes enveloppées dans un morceau de papier sur lequel ma mère avait écrit « Pour Davy avec toutes mes tendresses ». Cela m'émut tellement que je demandais au voiturier d'avoir la bonté de me rendre mon mouchoir de poche, mais il me répondit que selon lui, je ferais mieux de m'en passer. Et je trouvais qu'il avait raison. J'essuyai donc tout bonnement mes yeux sur ma manche, et ce fut fini pour de bon. Cependant, il me restait encore de mes émotions passées un profond sanglot de temps à autre. Après avoir ainsi voyagé pendant quelque temps, je demandai au voiturier s'il devait me conduire tout le long du chemin. « Jusqu'où ?» demanda le voiturier. « Eh bien, jusque-là, dis-je. Où ça, là ?» demanda le voiturier. « Près de Londres, dis-je. »« Mais ce cheval-là, dit le voiturier en secouant les rênes pour me le montrer, serait plus mort qu'un cochon rôti avant d'avoir fait la moitié du chemin. »« Vous n'allez donc pas jusqu'à Yarmouth ?» demandai-je. « Justement, dit le voiturier. » Et là, je vous mettrai dans la diligence, et la diligence vous mènera où ce que vous allez. » C'était beaucoup parlé pour le voiturier, qui s'appelait M. Barkis. Homme d'un tempérament flegmatique, comme je l'ai dit dans un chapitre précédent, et point du tout conversatif. Je lui offris un gâteau comme marque d'attention. Il l'avala d'une bouchée, ainsi qu'aurait pu faire un éléphant. Et sa large face ne bougea pas plus que n'aurait pu faire celle d'un éléphant. « Est-ce que c'est elle qui les a faits ?» dit M. Barkis, toujours penché avec son air lourdeau sur le devant de sa carriole, un bras placé sur chacun de ses genoux. « C'est de Peggotty que vous voulez parler, monsieur ?»« Ah !» dit M. Barkis. « Elle-même. »« Oui, c'est elle qui fait tous les gâteaux chez nous. D'ailleurs, elle fait toute la cuisine. »« Vraiment ?» dit M. Barkis. Il arrondit ses lèvres comme pour siffler, mais il ne siffla pas. Il se pencha pour contempler les oreilles de son cheval, comme s'il y découvrait quelque chose de nouveau, et resta dans la même position pas mal de temps. Enfin, il me dit « Pas d'amourettes, je suppose. » « Des amourettes de veau, voulez-vous dire, M. Barkis ? Je vous demande pardon, elle les accommode aussi à merveille. Car je croyais qu'il avait envie de prendre quelque chose et qu'il désirait particulièrement se régaler d'un plat d'amourettes. Non, des amourettes d'amour. Il n'y a personne qui aille se promener avec elle. Avec Peggotty? Ah, dit-il, elle-même. Oh non, jamais. Jamais elle n'a eu d'amour, ni d'amourette. Non, vraiment, dit Monsieur Barkis. Il arrondit de nouveau ses lèvres comme pour siffler, mais il ne siffla pas plus que la première fois et se mit à considérer encore les oreilles de son cheval. « Et ainsi, dit Monsieur Barkis après un long silence, elle fait toutes les tartes aux pommes et toute la cuisine, n'est-ce pas ?» Je répondis que oui. « Eh bien, dit Monsieur Barkis, je vais vous dire, peut-être que vous lui écrirez. » « Je lui écrirai certainement, repris-je. »« Ah !» dit-il en tournant lentement les yeux vers moi. « Eh bien, si vous lui écrivez, peut-être vous souviendrez-vous de lui dire que Barkis veut bien. Voulez-vous ?»« Que Barkis veut bien ?» répétai-je innocemment. « Est-ce là tout ?»« Oui, » dit-il lentement. « Oui, Barkis veut bien. » Mais « vous serez demain de retour à Blunderstone, monsieur Barkis, » lui dis-je, et mon cœur se serrait à la pensée que moi j'en serais bien loin. « Il vous serait plus facile de faire votre commission vous-même. » Mais il me fit signe de la tête que non, et répéta de nouveau du ton le plus grave, « Barkis veut bien, voilà tout. » Je promis de transmettre exactement la chose. Et ce jour-là même, en attendant à Yarmouth la diligence, je me procurai un encrier et une feuille de papier et j'écrivis à Peggotty un billet ainsi conçu. « Ma chère Peggotty, je suis arrivée ici à bon port. Barkis veut bien, mes tendresses à maman, votre bien affectionné Davy. P.S. Il tient beaucoup à ce que vous sachiez que Barkis veut bien. » Lorsque j'eus fait cette promesse, Monsieur Barkis retomba dans un silence absolu. Quant à moi, je me sentais épuisée par tout ce qui m'était arrivé récemment, et me laissant tomber sur une couverture, je m'endormis. Mon sommeil dura jusqu'à Yarmouth, qui me parut si nouveau et si inconnu dans l'hôtel où nous nous arrêtâmes, que j'abandonnai aussitôt le secret espoir que j'avais eu jusqu'alors d'y rencontrer quelques membres de la famille de Monsieur Peggotty, peut-être même la petite Emily. La diligence était dans la cour, parfaitement propre et reluisante, mais on n'avait pas encore attelé les chevaux, et dans cet état, il me semblait impossible qu'elle allât jamais jusqu'à Londres. Je réfléchissais sur ce fait, et je me demandais ce que deviendrait définitivement ma malle que M. Barkis avait déposée dans la cour après avoir fait tourner sa carriole, et ce que je deviendrais moi-même lorsqu'une dame mit la tête à une fenêtre où étaient suspendus quelques gigots et quelques volailles, et me dit « Êtes-vous le petit monsieur qui vient de Blunderstone ?»« Oui, madame, » dis-je. « Votre nom ?» demanda la dame. « Copperfield, madame, » dis-je. « Ce n'est pas ça, » reprit la dame. « On n'a pas commandé à dîner pour une personne de ce nom. »« Est-ce Murdstone, madame ?» dis-je. « Si vous êtes le jeune Murdstone, » dit la dame, « pourquoi commencez-vous par me dire un autre nom ?» Je lui expliquai ce qu'il en était. Elle sonna et cria « William, montrez à monsieur la salle à manger !» Sur quoi, un garçon arriva en courant de la cuisine qui était de l'autre côté de la cour et parut très surpris de voir que c'était pour moi seul qu'on le dérangeait. C'était une grande chambre, garnie de grandes cartes de géographie. Je crois que quand les cartes auraient été de vrais pays étrangers, au milieu desquels on m'aurait lancé comme une bombe, je ne me serais pas senti plus dépaysé. Il me semblait que je prenais une étrange liberté d'oser m'asseoir, ma casquette à la main, sur un coin de la chaise la plus rapprochée de la porte, et lorsque je vis le garçon mettre une nappe sur la table, tout exprès pour moi, et y placer une salière, je suis sûre que je devins tout rouge de modestie. Il m'apporta des côtelettes et des légumes et enleva les couvercles des plats avec tant de brusquerie que j'avais la plus grande peur de l'avoir apparemment offensé. mais je me sentis rassurée en le voyant mettre une chaise pour moi devant la table et me dire du ton le plus affable « Maintenant, mon petit géant, asseyez-vous. » Je le remerciai et je m'établis devant la table, mais il me semblait extraordinairement difficile de manier un peu adroitement mon couteau ou ma fourchette, ou d'éviter de jeter de la sauce sur moi, tant que le garçon serait là, debout, en face de moi, ne me quittant pas des yeux et me faisant rougir jusqu'aux oreilles chaque fois que je le regardais. Lorsqu'il me vit entamer la seconde côtelette, « Voilà, dit-il, une demi-pinte d'ale pour vous. La voulez-vous à présent ?»« Merci, lui dis-je, je veux bien. » Alors il versa la bière dans un grand verre et la mit devant la fenêtre pour m'en faire admirer la belle couleur. « Ma foi, dit-il, il y en a beaucoup, n'est-ce pas ?»« Il y en a beaucoup, répondis-je en souriant, car j'étais charmée de le trouver si aimable. C'était un petit homme aux yeux brillants, avec un visage rougeau et des cheveux tout hérissés. Il avait l'air très avenant, le poing sur la hanche, et de l'autre main, il tenait en l'air le verre plein d'ale. « Il y avait bien ici un monsieur, dit-il, un gros monsieur, qu'on nommait Top Sawyer. Peut-être le connaissez-vous ?»« Non, dis-je, je ne crois pas. » En culotte courte et en guêtre, un chapeau à large bord, un habit gris, un cache-nez à pois, dit le garçon. Non, dis-je avec embarras, je n'ai pas ce plaisir. Il est venu ici hier, dit le garçon en regardant la bière au jour. Il a demandé un verre de cette ale. Il l'a voulu absolument. Je lui ai dit qu'il avait tort. Il l'a bu et il est tombé mort. Elle était trop forte pour lui. On ne devrait plus en donner. Voilà le fait. J'étais épouvantée de ce terrible accident et je lui dis que je ferais peut-être mieux de ne boire qu'un verre d'eau. « C'est que, voyez-vous, dit le garçon tout en regardant toujours la bière à la fenêtre et en clignant de l'œil, on n'aime pas beaucoup ici qu'on laisse ce qu'on a commandé, ça blesse mes maîtres. Mais moi, je peux la boire si vous voulez. Je suis habituée et l'habitude fait tout. Je ne crois pas que cela me fasse mal. Pourvu que je renverse ma tête en arrière et que j'avale lestement. Voulez-vous ? » Je lui répondis qu'il me rendrait un grand service en la buvant, pourvu que cela ne pût pas lui faire de mal. Sans cela, je ne voulais pas en entendre parler. Quand il rejeta sa tête en arrière pour avaler lestement, je fus saisie, je l'avoue, d'une terrible frayeur. Je croyais que j'allais le voir tomber sans vie sur le parquet, comme le malheureux Monsieur Top Sawyer. Mais cela ne lui fit aucun mal. Au contraire, il ne m'en parut que plus frais et plus gaillard. « Qu'avons-nous donc là ? » dit-il en mettant sa fourchette dans mon plat. « N'est-ce pas des côtelettes ?»« Des côtelettes ? » dis-je. « Que Dieu me bénisse ! Je ne savais pas que ce fussent des côtelettes !» s'écria-t-il. « C'est justement ce qu'il faut pour neutraliser les mauvais effets de cette bière. Quelle chance !» D'une main, il saisit une côtelette. De l'autre, il prit une pomme de terre et mangea le tout du meilleur appétit à mon extrême satisfaction. Puis il prit une autre côtelette et une autre pomme de terre et encore une autre pomme de terre et une autre côtelette. Quand nous eûmes fini, il m'apporta un pudding et l'ayant placé devant moi, il se mit à ruminer en lui-même et resta quelques instants absorbé dans ses réflexions. « Comment trouvez-vous le pâté ? » dit-il tout d'un coup. « C'est un pudding, » répondis-je. « Un pudding ! » s'écria-t-il. « Oui, vraiment. Mais, » dit-il en le contemplant de plus près, « ne serait-ce pas un pudding aux fruits ?»« Oui, certainement. »« Eh, mais, » dit-il en s'armant d'une grande cuillère, « le pudding aux fruits est mon pudding favori, n'est-ce pas heureux ?» « Allons, mon petit homme, voyons qui de nous deux ira le plus vite. » Le garçon fut certainement celui qui alla le plus vite. Il me supplia plus d'une fois de me dépêcher de gagner la gageure, mais il y avait une telle différence entre sa cuillère à ragoût et ma cuillère à café, entre son agilité et mon agilité, entre son appétit et mon appétit, que je restais promptement en arrière. Je crois que je n'ai jamais vu personne aussi charmé d'un pudding, Il avait déjà fini qu'il riait encore de plaisir, comme s'il se le savourait toujours. Je le trouvais si complaisant et de si bonne humeur que je le priais de me procurer une plume, du papier et de l'encre pour écrire à Peggotty. Non seulement il me l'apporta immédiatement, mais encore il eut la bonté de regarder par-dessus mon épaule pendant que j'écrivais ma lettre. Quand j'eus fini, il me demanda où j'allais en pension. « Près de Londres, » lui dis-je. C'était tout ce que je savais. « Oh mon Dieu !» dit-il de l'air le plus triste. « J'en suis désolé. »« Pourquoi donc ?» lui demandai-je. « Oh mon Dieu !» dit-il en hochant la tête. « C'est justement la pension où on a brisé les côtes d'un petit garçon. Les deux côtes !» Il était encore tout jeune. Il avait à peu près... Voyons, quel âge avez-vous ? Je lui dis que j'avais 8 ans et demi. « Tout juste son âge !» dit-il. « Il avait 8 ans et demi quand on lui a brisé sa première côte. 8 ans et 8 mois quand on lui a brisé la seconde. Et ma foi, c'était fini. » Je n'eus pas la force de me dissimuler, non plus qu'au garçon, que c'était une malheureuse coïncidence, et je lui demandais comment cela était arrivé. Sa réponse n'eut rien de consolant, car il ne me répondit que cette phrase épouvantable en le fouettant. Heureusement, le son du cor qui rappelait tous les voyageurs vint faire diversion à mes inquiétudes. Je me levai et je demandai d'un ton moitié défiant, moitié orgueilleux, tout en tirant ma bourse, s'il y avait quelque chose à payer. « Une feuille de papier à lettres, » répondit-il. « Avez-vous jamais acheté du papier à lettres ?» Je n'en avais aucun souvenir. « Il est cher, » dit-il, « à cause des droits. » 3 pence. Et voilà comment on nous taxe dans ce pays-ci. Il ne reste plus que le pourboire du garçon. Quant à l'encre, ce n'est pas la peine d'en parler, ce sont mes profits. Combien croyez-vous? Combien faut-il que je... Combien dois-je? Combien serait-il convenable de donner pour le garçon, je vous prie? Balbutiai-je en rougissant. Si je n'avais pas une petite famille, et si cette petite famille n'avait pas la petite vérole volante... « Je n'accepterai pas 6 pence, » dit le garçon. « Si je n'avais pas à soutenir une vieille mère et une charmante jeune sœur, » ici le garçon parut vivement ému, « je n'accepterai pas 1 farthing. Si j'avais une bonne place et que je fusse bien traité ici, j'offrirais volontiers une bagatelle plutôt que de l'accepter. Mais je vis des restes et je couche sur les sacs à charbon. » Ici, le garçon fondit en larmes. J'éprouvais la plus profonde pitié pour ses infortunes et je sentais qu'il fallait avoir le cœur bien dur et bien brutal pour lui offrir moins de 9 pence. Je finis par lui donner 1 de mes 3 beaux shillings. Il le reçut avec beaucoup d'humilité et de vénération et la minute d'après, il le fit sonner sur son ongle pour voir si la pièce était bonne. Je fus un peu déconcertée au moment de monter dans la voiture lorsque je découvris qu'on me supposait capable d'avoir mangé le dîner tout entier à moi seule. Je m'en aperçus en entendant la dame qui était à la fenêtre dire au conducteur « Prenez garde, Georges, ou cet enfant va éclater en route !» Les servantes de l'hôtel qui étaient dans la cour venaient me contempler comme un jeune phénomène et me rironner. Mon malheureux ami, le garçon de l'hôtel, qui avait tout à fait repris sa bonne humeur, ne paraissait nullement embarrassé et prenait, sans la moindre confusion, part à l'admiration générale. Je ne sais pas si cela ne me donna pas quelques soupçons sur son compte, mais j'incline pourtant à penser que, plein comme je l'étais de cette confiance naturelle aux enfants et du respect qu'ils ont en général pour ceux qui sont plus âgés qu'eux, qualité que je suis toujours fâchée de voir perdre trop tôt aux enfants pour prendre les habitudes du monde, je n'eus pas, même alors, de doute sérieux sur son compte. Je trouvais pourtant un peu dur, il faut que je l'avoue, de servir de point de mire aux plaisanteries continuelles du cocher et du conducteur sur ce que mon poids faisait pencher la diligence d'un côté ou que je ferais bien de voyager à l'avenir dans un fourgon. L'histoire de mon appétit supposé se répandit bientôt parmi les voyageurs de l'impériale qui s'en divertirent aussi infiniment. Ils me demandèrent si, à la pension où j'allais, on devait payer pour moi comme pour deux seulement ou pour trois. Si on avait fait des conditions particulières, ou bien si on me prenait au même prix que les autres enfants, avec une foule d'autres questions du même genre. Mais ce qu'il y avait de pire, c'est que je savais que lorsque l'occasion se présenterait, je n'aurais pas le courage de manger la moindre chose et qu'après avoir fait un assez pauvre dîner, j'allais me laisser affamer toute la nuit car dans ma précipitation, j'avais oublié mes gâteaux à l'hôtel. Mes craintes furent bientôt réalisées. Lorsqu'on s'arrêta pour souper, je ne pus jamais trouver la force de m'asseoir à la table d'hôte et j'allais, fort à contre-cœur, me mettre dans un coin près de la cheminée en disant que je n'avais besoin de rien. Cela ne me mit pourtant pas à l'abri de nouvelles plaisanteries, car un monsieur à la voix enrouée et au visage enluminé, qui n'avait cessé de manger des sandwichs que pour boire d'une bouteille qu'il ne quittait guère, fit observer que j'étais comme le boa constrictor, qui mangeait assez à un repas pour pouvoir rester ensuite plusieurs jours à jeun, après quoi il se servit une énorme portion de bœuf bouilli. Nous avions quitté Yarmouth à 3 heures de l'après-midi et nous devions arriver à Londres le lendemain matin à 8 heures. L'automne commençait et la soirée était belle. Quand nous traversions un village, je cherchais à me représenter ce qui se passait dans l'intérieur des maisons et ce que faisaient les habitants. Puis quand les petits garçons se mettaient à courir pour grimper derrière la diligence, je me demandais s'ils avaient encore leur père et s'ils étaient heureux chez eux. J'avais donc beaucoup de sujets de réflexion, sans compter que je songeais sans cesse à l'endroit de ma destination, triste sujet de méditation. Quelquefois aussi, je me le rappelle, je me laissais aller à penser à la maison de ma mère et à Peggotty, où j'essayais confusément de me rappeler comment j'étais avant d'avoir mordu M. Murdstone, mais je ne pouvais jamais réussir, tant il me semblait que tout cela datait de l'antiquité la plus reculée. La nuit ne fut pas aussi agréable que la soirée. Il faisait froid. Comme on m'avait casé entre deux messieurs, celui qui avait la figure enluminée et un autre, de peur que je ne glissasse des banquettes, il manquait à chaque instant de m'étouffer en dormant et me tenait comme dans un étau. J'étais parfois tellement écrasée que je ne pouvais m'empêcher de crier « Oh, je vous en prie !» Ce qui leur déplaisait fort, parce que cela les réveillait. En face de moi était assise une vieille dame avec un grand manteau de fourrure qui avait l'air dans l'obscurité plutôt d'une meule de foin que d'une femme, tant elle était empaquetée. Cette dame avait un panier et pendant longtemps, elle n'avait su où le fourrer. Elle découvrit enfin qu'elle pourrait le glisser sous mes jambes qui étaient très courtes. Ce panier me mettait à la torture. Il me cognait et me meurtrissait les jarrets. Mais au moindre mouvement que je faisais, le verre contenu dans le panier allait se choquer contre un autre objet, et la vieille dame me donnait un terrible coup de pied tout en disant « Allez-vous vous tenir tranquille? Vous êtes bien peu endurant pour votre âge !» Enfin le soleil se leva, et mes compagnons de route eurent un sommeil moins agité. On ne saurait dépeindre toutes les angoisses qui les avaient oppressés durant la nuit, et qui se manifestait par des ronflements épouvantables. À mesure que le soleil s'élevait à l'horizon, leur sommeil devenait moins profond, et peu à peu ils se réveillèrent tous l'un après l'autre. Je me souviens que je fus bien surpris de les voir tous soutenir qu'ils n'avaient pas dormi une minute, et repousser cette insinuation avec la plus vive indignation. J'en suis encore étonné à l'heure qu'il est, et je n'ai jamais pu m'expliquer comment de toutes les faiblesses humaines, celles que nous sommes tous le moins disposés à confesser, je vous demande un peu pourquoi, c'est la faiblesse d'avoir pu dormir en voiture. Je n'ai pas besoin de raconter ici quelle étrange ville me parut Londres lorsque je l'aperçus dans le lointain, ni comment je me figurais que les aventures de mes héros favoris se renouvelaient à chaque instant dans cette grande cité, pleine à mes yeux de plus de merveilles et de plus de crimes que toutes les villes de la terre. Nous arrivâmes enfin à un hôtel situé sur la paroisse de Whitechapel, où nous devions nous arrêter. J'ai oublié si c'était le taureau bleu ou le sanglier bleu, mais ce que je sais, c'est que c'était un animal bleu et que cet animal était aussi représenté sur le derrière de la diligence. Le conducteur fixa les yeux sur moi en descendant et dit à la porte du bureau « Y a-t-il ici quelqu'un qui demande un jeune garçon inscrit au registre sous le nom de Murdstone, venant de Blunderstone, Suffolk, et qui était attendu, qu'on le vienne réclamer ?» Personne ne répondit. « Essayez avec Copperfield, monsieur, je vous prie, » dis-je en baissant piteusement les yeux. « Y a-t-il ici quelqu'un qui demande un jeune garçon inscrit au registre sous le nom de Murdstone venant de Blunderstone, Suffolk, mais qui répond au nom de Copperfield et qui doit attendre qu'on vienne le réclamer ?» dit le conducteur. « Parlez, y a-t-il quelqu'un ?» Non, il n'y avait personne. Je regardais avec inquiétude tout autour de moi, mais cette question répétée n'avait pas fait la moindre impression sur ceux qui étaient présents, sauf sur un homme à longue guêtre qui n'avait qu'un œil et qui suggéra qu'on ferait bien de me mettre un collier de cuivre et de m'attacher à un poteau dans l'étable, comme aux chiens perdus. On plaça une échelle et je descendis après la dame qui ressemblait à une meule de foin. Je ne me permis de bouger que lorsqu'elle eut enlevé son panier. Tous les voyageurs eurent promptement quitté leur place. On descendit tous les bagages et les garçons d'écurie firent rentrer la diligence sous la remise. Et cependant, personne ne paraissait pour réclamer l'enfant tout poudreux qui venait de Blunderstone, Suffolk. Plus solitaire que Robinson Crusoe, qui du moins n'avait près de lui personne pour venir l'observer et remarquer qu'il était solitaire, j'entrai dans le bureau de la diligence et sur l'invitation du commis, je passai derrière le comptoir et je m'assis sur la balance où on pesait les bagages. Là, tandis que j'étais assis au milieu des paquets, des livres et des ballots, respirant le parfum des écuries, qui s'associera éternellement dans mes mémoires avec cette matinée, je fus assailli par une foule de réflexions, toutes plus lugubres les unes que les autres. À supposer qu'on ne vint jamais me chercher, combien de temps consentirait-on à me garder là où j'étais ? Me garderait-on assez longtemps pour qu'il ne me restât plus rien de mes 7 shillings ? Est-ce que je passerais la nuit dans un de ces compartiments en bois avec le reste des bagages ? Faudrait-il me laver tous les matins à la pompe de la cour ? Ou bien me renverrait-on tous les soirs et serais-je obligé de revenir tous les matins jusqu'à ce qu'on vînt me chercher ? Et si ce n'était pas une erreur ? Si M. Murdstone avait inventé ce plan pour se débarrasser de moi ? Que deviendrais-je ? Si on me permettait de rester là jusqu'à ce que j'eusse dépensé mes 7 shillings, je ne pouvais toujours pas espérer d'y rester lorsque je commencerais à mourir de faim. Cela serait évidemment gênant et désagréable pour les pratiques, et de plus, cela exposerait le je ne sais quoi bleu à avoir à payer les frais de mon enterrement. Si je me mettais immédiatement en route et que je tentasse de retourner chez ma mère, comment pourrais-je marcher jusque-là ? Et d'ailleurs, étais-je sûre d'être bien accueillie par d'autres que par Peggotty, lors même que je réussirais à arriver ? Si j'allais m'offrir aux autorités voisines comme soldat ou comme marin, j'étais un si petit bonhomme qu'il était bien probable qu'on ne voudrait pas de moi. Ces pensées, jointes à un millier d'autres, me faisaient monter l'eau rouge au visage et je me sentais tout étourdie de crainte et d'émotion. J'étais dans cet état violent lorsqu'entra un homme qui murmura quelques mots à l'oreille du commis. Celui-ci me tira vivement de la balance et me poussa vers le nouveau venu, comme un colis pesé, acheté, payé, enlevé. En sortant du bureau, la main dans celle de ma nouvelle connaissance, je me hasardai à jeter les yeux sur mon conducteur. C'était un jeune homme au teint jaune, à l'air dégingandé, aux joues creuses, avec un menton presque aussi noir que celui de M. Murdstone. Mais là cessait la ressemblance, car ses favoris étaient rasés et ses cheveux, au lieu d'être luisants, étaient rudes et secs. Il portait un habit et un pantalon noir, un peu sec et râpé aussi. L'habit ne descendait pas jusqu'au poignet, ni le pantalon jusqu'à la cheville de leur propriétaire. Sa cravate blanche n'était pas d'une propreté exagérée. Je n'ai jamais cru, et je ne veux pas croire encore, que cette cravate fût tout le linge qu'il avait sur lui. Mais c'était au moins tout ce qu'il en laissait entrevoir. « Vous êtes le nouvel élève ?» me dit-il. « Oui, monsieur, lui dis-je. Je le supposais, Je n'en savais rien. « Je suis l'un des maîtres d'études de la pension Salem, » me dit-il. Je le saluais. J'étais terrifiée. Je n'osais faire la moindre allusion à une chose aussi vulgaire que ma malle en présence du savant maître de Salem House. Ce ne fut que lorsque nous fûmes sortis de la cour que j'eus la hardiesse d'en faire mention. Nous revînmes sur nos pas, d'après mon observation très humble, qu'elle pourrait plus tard m'être utile. Et il dit au commis que le voiturier devait venir la prendre à midi. « Monsieur, lui dis-je lorsque nous eûmes fait à peu près le même trajet, auriez-vous la bonté de me dire si c'est bien loin ?»« C'est du côté de Blackheath, » me dit-il. « Est-ce loin, monsieur ?» demandai-je timidement. « Oh, il y a un bon bout de chemin, » dit-il. « Nous irons par la diligence. On compte environ 6 000. » Je me sentais si las et si épuisée que l'idée de faire encore 6 000 sans me restaurer était au-dessus de mes forces. Je m'enhardis jusqu'à lui dire que je n'avais pris absolument rien pendant toute la nuit et que je lui serais très reconnaissant s'il voulait bien me permettre d'acheter quelque chose pour manger. Il parut surpris. Je le vois encore s'arrêter et me regarder. Après avoir réfléchi un instant, il me dit qu'il avait besoin de s'arrêter chez une vieille femme qui habitait près de là, et que ce que j'aurais de mieux à faire, ce serait d'acheter un peu de pain ou toute autre nourriture à mon choix, pourvu qu'elle fût saine, et de déjeuner chez cette personne qui me procurerait du lait. Nous nous rendîmes chez un boulanger, où après avoir jeté mon dévolu sur une foule de petits gâteaux succulents, qu'il refusa de me laisser prendre les uns après les autres, nous finîmes par nous décider pour un bon petit pain de seigle qui me coûta 3 pence. Plus loin, nous achetâmes un œuf et une tranche de lard fumé. Tout cela me laissa encore possesseur de pas mal de petites monnaies sur mon second shilling que j'avais changé, ce qui me fit penser que Londres était un endroit où l'on vivait à très bon marché. Lorsque nous eûmes fait nos provisions, nous traversâmes au milieu d'un tapage et d'un mouvement qui troublait singulièrement ma pauvre tête, un pont, London Bridge sans doute. Je crois même qu'il me le dit, mais j'étais à moitié endormie. Et enfin, nous arrivâmes chez la vieille femme qui logeait dans un hospice, comme je pus le voir à l'apparence du bâtiment, et aussi à l'inscription placée au-dessus de la grille qui disait que cette maison avait été fondée pour 25 femmes pauvres. Le maître d'études de Salem House leva le bloquet d'une de ces portes noires qui se ressemblaient toutes. D'un côté, il y avait une fenêtre à petits carreaux, et au-dessus de la porte, une autre fenêtre à petits carreaux. Nous entrâmes dans la maison d'une de ces pauvres vieilles femmes qui soufflait son feu sur lequel était placée une petite casserole. En voyant entrer mon conducteur, la vieille femme cessa de souffler et dit quelque chose comme « Mon Charles !» Mais en me voyant entrer après lui, elle se leva et fit, en se frottant les mains, une espèce de révérence embarrassée. « Pouvez-vous faire cuire le déjeuner de ce jeune monsieur, je vous prie ?» dit le maître d'études de Salem House. « Si je le peux, » dit la vieille femme. « Mais oui, certainement. » « Comment va Mistress Fibitson aujourd'hui ?» dit le maître d'études, en regardant une autre vieille femme assise sur une grande chaise près du feu. Elle avait si bien l'air d'un paquet de vieux chiffons qu'à l'heure qu'il est, je me félicite encore de ce que je n'ai pas commis l'erreur de m'asseoir dessus. « Oh, elle ne va pas trop bien, » dit la première vieille femme. « Elle est dans un de ses mauvais jours. Je crois vraiment que si, par malheur, le feu s'éteignait, elle s'éteindrait avec lui pour ne plus jamais revenir à la vie. » Ils la regardaient tous deux. Je fis de même. Bien qu'il fît très chaud dehors, elle semblait ne songer à rien au monde qu'au feu. Je crois même qu'elle était jalouse de la casserole. Et j'ai quelques soupçons qu'elle lui en voulait de lui cacher le feu pour faire cuire mon œuf et frire mon lard, car je la vis me montrer le poing quand tout le monde avait le dos tourné pendant ses opérations culinaires. Le soleil entrait par la petite fenêtre, mais elle lui tournait le dos, et assise dans sa grande chaise qui tournait aussi le dos au soleil, elle semblait couver le feu comme pour lui tenir chaud, au lieu de s'y chauffer elle-même, et elle le surveillait d'un œil méfiant. Lorsqu'elle vit que les préparatifs de mon déjeuner touchaient à leur terme et que le feu allait enfin être délivré, elle éclata de rire dans sa joie, et je dois dire que son rire était loin d'être mélodieux. Je m'assis en face de mon pain de seigle, de mon œuf, de ma tranche de lard, auquel s'était ajoutée une jatte de lait, et je fis un repas délicieux. J'étais encore à l'œuvre lorsque la vieille femme qui habitait la maison dit au maître d'école « Avez-vous votre flûte sur vous ?»« Oui, » répondit-il. « Jouez-en donc un petit air, » dit la vieille femme d'un ton suppliant. « Je vous en prie. » Le maître d'études mit la main sous les pans de son habit et sortit les trois morceaux d'une flûte qu'il remonta, puis il se mit immédiatement à jouer. Mon opinion, après bien des années de réflexion, c'est que personne au monde n'a jamais pu jouer aussi mal. Il en tirait les sons les plus épouvantables que j'ai entendus, naturels ou artificiels. Je ne sais quel air il jouait, si tant est que ce fussent des airs, ce dont je doute, mais le résultat de cette mélodie fut primo, de me faire songer à toutes mes peines, au point de me faire venir les larmes aux yeux, secondo, de m'ôter complètement l'appétit, et tertio, de me donner une telle envie de dormir que je ne pouvais tenir mes yeux ouverts. Le seul souvenir de cette musique m'assoupit encore. Je revois la petite chambre avec l'armoire du coin entr'ouverte, les chaises aux dossiers perpendiculaires et le petit escalier à pic qui conduisait à une autre petite chambre au premier, enfin les trois plumes de paon qui ornaient le manteau de la cheminée. Je me souviens qu'en entrant, je me demandais si le paon serait bien flatté de voir ces belles plumes condamnées à cet emploi. Mais tout cela disparaît peu à peu devant moi. Ma tête se penche, je dors. La flûte ne se fait plus entendre, c'est le son des roues qui retentit à mon oreille. Je suis en voyage, la diligence s'arrête, je me réveille en sursaut, et voilà de nouveau la flûte. Le maître d'études de Salem House en joue d'un air lamentable, et la vieille femme l'écoute avec ravissement. Mais elle disparaît à son tour, puis il disparaît aussi. Enfin, tout disparaît. Il n'y a plus ni de flûte, ni de maître d'études, ni de Salem House, ni de David Copperfield. Il n'y a qu'un profond sommeil. Je rêvais probablement lorsque je crus voir, tandis qu'il soufflait dans cette épouvantable flûte, la vieille maîtresse du logis qui s'était approchée de lui dans son enthousiasme se pencher tout d'un coup sur le dossier de sa chaise et prendre sa tête dans ses bras pour l'embrasser. Un instant, la flûte s'arrêta. J'étais apparemment entre la veille et le sommeil alors, et quelque temps après, car lorsqu'il recommença à jouer, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il s'était interrompu un instant. Je vis et j'entendis la susdite vieille dame demander à Mistress Phibbitson si ce n'était pas délicieux en parlant de la flûte. À quoi Mistress Phibbitson répondit « Oui, oh oui !» et se pencha vers le feu auquel elle rapportait, j'en suis sûre, tout l'honneur de cette jolie musique. Il y avait déjà longtemps que j'étais endormie, je crois, lorsque le maître d'études de Salem House démonta sa flûte, mit dans sa poche les trois pièces qui la composaient et m'emmena. Nous trouvâmes la diligence tout près de là et nous montâmes sur l'impériale, mais j'avais tellement envie de dormir que lorsqu'on s'arrêta sur la route pour prendre d'autres voyageurs, on me mit dans l'intérieur où il n'y avait personne. Et là, je dormis profondément jusqu'à une longue montée que les chevaux gravirent au pas entre de grands arbres. Bientôt, la diligence s'arrêta. Elle avait atteint sa destination. Après quelques minutes de marche, nous arrivâmes, le maître d'études et moi, à Salem House. Un grand mur de briques formait l'enceinte et le tout avait l'air fort triste. Sur une porte pratiquée dans le mur était placé un écriteau où on lisait « Salem House ». Nous vîmes bientôt paraître à une petite ouverture près de la porte un visage maussade qui appartenait à ce que je vis lorsque la porte nous fut ouverte, à un gros homme avec un cou énorme comme celui d'un taureau, une jambe de bois, un front bombé et des cheveux coupés ras tout autour de la tête. « C'est le nouvel élève, » dit le maître d'études. L'homme à la jambe de bois m'examina de la tête aux pieds, ce qui ne fut pas long, car je n'étais pas bien grand, puis il referma la porte derrière nous et prit la clé. Nous nous dirigions vers la maison au milieu de grands arbres au feuillage sombre quand il appela mon conducteur. « Hola !» Nous nous retournâmes. Il était debout à la porte de la petite loge où il demeurait une paire de bottes à la main. « Dites donc, le savetier est venu depuis que vous êtes sorti, monsieur Mel, et il dit qu'il ne peut plus du tout les raccommoder. Il prétend qu'il ne reste pas un seul morceau de la botte primitive et qu'il ne comprend pas que vous puissiez lui demander de les réparer. » En parlant ainsi, il jeta les bottes devant monsieur Mel, qui retourna quelques pas en arrière pour les ramasser et qui le regarda de l'air le plus lamentable en venant me retrouver. J'observais alors pour la première fois que les bottes qu'il portait étaient fort usées et qu'il y avait même un endroit par où son bas sortait, comme un bourgeon qui veut percer l'écorce. Salem House était un bâtiment carré, bâti en briques, avec deux pavillons sur les ailes, le tout d'une apparence nue et désolée. Tout ce qui l'entourait était si tranquille que je dis à M. Mel que probablement les élèves étaient en promenade. Mais il parut surpris de ce que je ne savais pas qu'on était en vacances et que tous les élèves étaient chez leurs parents. Mr. Creakle, le maître de pension, était au bord de la mer avec Madame et Miss Creakle. Et quant à moi, on m'envoyait en pension durant les vacances pour me punir de ma mauvaise conduite, comme il me l'expliqua tout du long en chemin. Il me mena dans la salle d'études. Jamais je n'avais vu un lieu si déplorable ni si désolé. Je la revois encore à l'heure qu'il est. Une longue chambre avec trois longues rangées de bancs et des champignons pour accrocher des chapeaux et les ardoises. Des fragments de vieux cahiers et de thèmes déchirés jonchent le plancher. Il y en a d'autres sur les pupitres qui ont servi à loger des vers à soie. Deux malheureuses petites souris blanches, abandonnées par leur propriétaire, parcourent du haut en bas une fétide petite forteresse construite en carton et en fil de fer, et leurs petits yeux rouges cherchent dans tous les coins quelque chose à manger. Un oiseau enfermé dans une cage, à peine plus grande que lui, fait de temps à autre un bruit monotone en sautant sur son perchoir de 2 pouces de haut ou en redescendant sur son plancher, mais il ne chante ni ne siffle. Par toute la chambre, il règne une odeur malsaine, composée étrange, à ce qu'il me semble, de cuir pourri, de pommes renfermées et de livres moisis. Il ne saurait y avoir plus d'encre répandue dans toute cette pièce, lors même que les architectes auraient oublié d'y mettre une toiture et que pendant toute l'année, le ciel y aurait fait pleuvoir, neiger ou grêler de l'an. Monsieur Mel me quitta un moment pour remonter ses bottes irréparables. Je m'avançai timidement vers l'autre bout de la chambre, tout en observant ce que je viens de décrire. Tout à coup, j'arrivai devant un écriteau en carton posé sur un pupitre. On y lisait ces mots écrits en grosses lettres. « Prenez garde, il mord ». Je grimpai immédiatement sur le pupitre, persuadé que dessous, il y avait au moins un gros chien. Mais j'avais beau regarder tout autour de moi avec inquiétude, je ne l'apercevais pas. J'étais encore absorbée dans cette recherche lorsque M. Mel revint et me demanda ce que je faisais là-haut. « Je vous demande bien pardon, monsieur, mais je regarde où est le chien. »« Le chien ? » dit-il. « Quel chien ? » « N'est-ce pas un chien, monsieur ? » ?»« Quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas un chien ? » ?»« Cet animal auquel il faut prendre garde, monsieur, parce qu'il mord. » « Non, Copperfield, » dit-il gravement, « ce n'est pas un chien, c'est un petit garçon. J'ai pour instruction, Copperfield, de vous attacher cet écriteau derrière le dos. Je suis fâché d'avoir à commencer par là avec vous, mais il le faut. » Il me fit descendre et m'attacha derrière le dos, comme une giberne, l'écriteau bien adapté pour ce but, et partout où j'allais ensuite, j'eus la consolation de le transporter avec moi. Ce que j'eus à souffrir de cet écriteau, personne ne peut le deviner. Qu'il fût possible de me voir ou non, je me figurais toujours que quelqu'un était là à le lire. Ce n'était pas un soulagement pour moi que de me retourner et de ne voir personne, car je me figurais toujours qu'il y avait quelqu'un derrière mon dos. La cruauté de l'homme à la jambe de bois aggravait encore mes souffrances. C'était lui qui était le mandataire de l'autorité. Et toutes les fois qu'il me voyait m'appuyer le dos contre un arbre ou contre le mur ou contre la maison, il criait de sa loge d'une voix formidable « Hé, Copperfield ! Faites voir la pancarte ou je vous donne une mauvaise note !» L'endroit où l'on jouait était une cour sablée placée derrière la maison en vue de toutes les dépendances et je savais que les domestiques lisaient ma pancarte, que le boucher la lisait, que le boulanger la lisait. En un mot, que tous ceux qui entraient ou qui sortaient le matin, tandis que je faisais ma promenade obligée, lisaient sur mon dos qu'il fallait prendre garde à moi parce que je mordais. Je me rappelle que j'avais fini positivement par avoir peur de moi, comme d'une espèce d'enfant sauvage qui mordait. Il y avait dans cette cour de récréation une vieille porte sur laquelle les élèves s'étaient amusés à sculpter leur nom. Elle était complètement couverte de ce genre d'inscription. Dans ma terreur de voir arriver la fin des vacances qui ramènerait tous les élèves, je ne pouvais lire un seul de ces noms sans me demander de quel ton et avec quelle expression il lirait « Prenez garde, il mord ». Il y en avait un certain Steerforth, qui avait gravé son nom très souvent et très profondément. « Celui-là, me disais-je, va lire cela de toutes ses forces, et puis il me tirera les cheveux. » Il y en avait un autre nommé Tommy Traddles. Je me figurais qu'il se ferait un amusement de m'approcher par mes gardes et de surreculer avec l'air d'avoir grand peur. Quant au troisième, George Dumple, je l'entendais chanter mon inscription. Enfin, dans ma frayeur, je contemplais en tremblant cette porte jusqu'à ce qu'il me sembla entendre tous les propriétaires de ces noms. Il y en avait 45, à ce que me dit M. Mel. Crier en chœur qu'il fallait m'envoyer à Coventry et répéter chacun à sa manière « Prenez garde, il mord !» Et de même pour les pupitres et les bancs, de même pour les lits solitaires que j'examinais le soir quand j'étais couchée. Toutes les nuits, j'avais des rêves où je voyais tantôt ma mère telle qu'elle était jadis, tantôt l'intérieur de M. Peggotty, ou bien je voyageais sur l'impériale de la diligence où je dînais avec mon malheureux ami le garçon d'hôtel, et partout je voyais tout le monde me regarder d'un air effaré. On venait de s'apercevoir que je n'avais pour tout vêtement que ma chemise de nuit et mon écriteau. Cette vie monotone et la frayeur que me causait la fin prochaine des vacances me causaient une affliction intolérable. J'avais chaque jour de longs devoirs à faire pour M. Mel, mais je les faisais. M. Murdstone et sa sœur n'étaient plus là. Et je ne m'en tirais pas mal. Avant et après mes heures d'études, je me promenais sous la surveillance, comme je l'ai déjà dit, de l'homme à la jambe de bois. Je me rappelle encore, comme si j'y étais, tout ce que je voyais dans ces promenades, la terre humide autour de la maison, les pierres couvertes de mousse dans la cour, la vieille fontaine toute fendue et les troncs décolorés de quelques arbres ratatinés qui avaient l'air d'avoir reçu plus de pluie et moins de rayons de soleil que tous les arbres du monde ancien et moderne. Nous dînions à 1 heure, M. Mel et moi, au bout d'une longue salle à manger parfaitement nue, où on ne voyait que des tables de sapin qui sentaient le graillon, et puis nous nous remettions à travailler jusqu'à l'heure du thé. M. Mel buvait son thé dans une petite tasse bleue, et moi dans un petit pot d'étain. Pendant toute la journée et jusqu'à 7 ou 8 heures du soir, M. Mel était établi à son pupitre, dans la salle d'études. Il s'occupait sans relâche à faire les comptes du dernier semestre, sans quitter sa plume, son encrier, sa règle et ses livres. Quand il avait tout rangé le soir, il tirait sa flûte et soufflait dedans avec une telle énergie que je m'attendais à tout moment à le voir passer par le grand trou de son instrument jusqu'à son dernier souffle et à le voir fuir par les clés. Je me vois encore, pauvre petit enfant que j'étais alors, la tête dans mes mains au milieu de la pièce à peine éclairée, écoutant la douloureuse harmonie de M. Mel tout en méditant sur mes leçons du lendemain. Je me vois également mes livres fermés à côté de moi, prêtant toujours l'oreille à la douloureuse harmonie de M. Mel et croyant entendre à travers ces sons lamentables le bruit lointain de la maison paternelle et le sifflement du vent sur les dunes de Yarmouth. Oh, combien je me sentais isolée et triste. Je me vois mon temps me coucher dans des chambres presque désertes et pleurant dans mon petit lit au souvenir de ma chère Peggotty. Je me vois descendant l'escalier le lendemain matin et regardant par un carreau cassé de la lucarne qui l'éclaire la cloche de la pension suspendue tout en haut d'un hangar avec une girouette par-dessus. Je la contemple et je songe avec effroi au temps où elle appellera à l'étude Steerforth et ses camarades. Et pourtant, j'ai encore bien plus peur du moment fatal où l'homme à la jambe de bois ouvrira la grille au gond rouillé pour laisser passer le redoutable Monsieur Creakle. Je ne crois pas avec tout cela que je sois un très mauvais sujet, mais je n'emporte pas moins le placard toujours sur mon dos. Monsieur Mel ne me disait pas grand-chose, mais il n'était pas méchant avec moi. Je suppose que nous nous tenions mutuellement compagnie sans nous parler. J'ai oublié de dire qu'il se parlait quelquefois à lui-même et qu'alors il grinçait des dents, il serrait les poings et il se tirait les cheveux de la façon la plus étrange. Mais c'était une habitude qu'il avait comme ça. Dans les commencements, cela me faisait peur, mais je ne tardais pas à m'y faire.